J'aime bien garder l'escabre. J'aime bien garder l'escabre. J'aime bien garder l'escabre. Ce qui est l'escabre, c'est beau. C'est la zabios plagada de ses saillots pas inanada. J'aime bien garder l'escabre. Ce qui est l'escabre, c'est beau.